Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous êtes bien sûr pour cette nouvelle émission de la boîte à BO avec cette semaine un hommage à Claude Brasseur en musique. Et bien sûr, cette émission, je vais la co-animer comme chaque semaine avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, nous allons retrouver effectivement ensemble les plus grands succès de Claude Brasseur qui nous a quitté à l'âge de 84 ans le 22 décembre 2020 et ce en musique en évoquant pour chacun d'entre eux quelques anecdotes. Alors sans plus tarder, voici donc ce numéro spécial de la boîte à BO, Brasseur en musique. Et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors Francine, sans plus tarder, que peux-tu nous dire en introduction sur Claude Brasseur ? Eh bien, Jérôme, de son vrai nom Claude-Pierre Espinasse, il était le fils de l'acteur Pierre Brasseur et de l'actrice et romancière Odette Joyeux. Et son parrain n'était autre que l'écrivain voyageur Ernest Hemingway. Il n'est donc pas étonnant qu'il se retrouve dès ses 19 ans sur les planches dans Le Judas de Marcel Pagnol et débutant au cinéma l'année suivante en 1956. Il est ensuite apparu dans des centaines de films, téléfilms, séries et pièces de théâtre. Je vous propose donc de retrouver en musique les grands succès de Claude Brasseur, des films populaires que vous connaissez bien évidemment. Tout à fait Francine, et parmi ces grands succès, il y a bien évidemment Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert, donc réalisé en 1976. Ce film, vous le connaissez, raconte l'amitié de quatre quadragénaires amateurs de tennis, tous confrontés à une situation difficile dans leur vie privée. La bande de copains est incarnée par Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux. Et ce film permettra à Claude Brasseur de décrocher donc le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de l'un des premiers personnages homosexuels positifs du cinéma français. Alors le succès du film est tel qu'une suite, Nous irons tous au paradis, sortira en 1977 avec toujours le même succès. Un titre qui aura malheureusement particulièrement résonné en 2020 puisque l'on trouvait dans ces films non seulement Claude Brasseur mais aussi Guy Bedos et au dialogue Jean-Louis Dabadie. Toutes les trois disparues la même année. Alors la musique de ce film est signée Vladimir Cosma et je vous propose donc tout de suite de retrouver un extrait donc de la BO du film Un éléphant, ça trompe énormément. Thank you. Voilà, c'était la BO donc, du film Un éléphant, ça tromperait normalement, interprété donc, par Vladimir Kospar. Vladimir Kospar qu'on va retrouver donc, tout de suite avec un court extrait donc, de la suite, donc, avec Nous irons tous au paradis. Alors, Claude Brasseur va devenir incontournable en 1980 en obtenant le César du meilleur acteur pour La guerre des polices, film réalisé par Robin Davis. Ce film raconte la rivalité entre le commissaire Balestra, pervers et sadique, interprété par Claude Rich, qui dirige la brigade territoriale, et le commissaire Fuchs, beaucoup plus humain, interprété par Claude Brasseur, et qui est à la tête de la brigade anti-gang. Pour capturer Sarlat, l'ennemi public numéro un, il se livre à un combat sans merci, reniant les règles et les lois de la coopération. La musique de ce film est signée Jean-Marie Seigna. Voilà, c'était un extrait donc de la BO du film La guerre des polices, film pour lequel donc Claude Brasseur a obtenu donc le César du meilleur acteur. Alors, toujours dans les années 80, il connaît un grand succès au box-office avec le film La Boum. Dans ce film culte qui réalise alors plus de 4 millions d'entrées, il incarne le père de Vic, la toute jeune Sophie Marceau. Là encore, le succès entraîne une suite avec La Boum 2 qui dépasse également les 4 millions d'entrées. Alors, ce rôle, pourtant, Claude Brasseur a failli ne pas le jouer. C'est Francis Perrin qui avait été à l'époque contacté par Claude Pinotot, le réalisateur. Et lorsque Francis Perrin refuse le rôle, Pinotot fait appel à Claude Brasseur qui accepte sans hésiter, à la grande surprise, effectivement, de Claude Pinotot. À la musique, on retrouve à nouveau Vladimir Kosma avec le morceau Reality, interprété par Richard Anderson, qui est à ce jour le plus grand succès donc, de Vladimir Kosma, qui a reconnu récemment, touché chaque année, près de 250 000 euros de royalties tous les ans, uniquement pour cette musique. Ça fait rêver, Francine. Hein. Ah oui, complètement. Alors, retrouvons donc, sans plus tarder, vous le connaissez tous, ce morceau de Vladimir Kosma, interprété par Richard Anderson, Reality. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Alors après ce titre mémorable, continuons toujours en 1986, Claude Brasseur a 50 ans et il retrouve de nouveau Sophie Marceau 20 ans après pour Descente aux Enfers réalisé par Francis Giraud. Mais cette fois ils sont mari et femme, ce qui fait un vrai scandale à l'époque. Lors d'une interview à Europe 1, Claude Brasseur affirma jouer le père de Sophie Marceau dans La Boum, puis son amant dans Descente aux Enfers 4 ans plus tard, est un choix qui m'a coûté très cher. Ça n'a pas surpris, ça a choqué. Quand Descente aux Enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et moi. C'est tout juste si on ne m'accusait pas d'inceste. La musique du film est signée Georges Delerue, dont on va retrouver tout de suite un extrait. Voilà, c'était un extrait de la BO de Descente aux Enfers signée Georges Delerue. Alors si la Boom a connu un très grand succès avec plus de 4 millions d'entrées, donc Descente aux Enfers n'a pas connu le même succès avec un peu plus simplement d'un million d'entrées. Par contre, à partir des années 90, Claude Brasseur va devenir à nouveau donc incontournable dans les comédies françaises et notamment en participant donc à la saga Camping, le film réalisé par Fabien Ottolenghi avec notamment Franck Dubosc, dont le premier film devient le plus gros succès de sa carrière avec près de 5 millions d'entrées. Alors vous savez, comme tous les ans, le Camping des Flots Bleus accueille les vacanciers. Comme tous les ans, au Flots Bleus, au travers, donc au bord des vagues de l'Atlantique, ce sont les retrouvailles de ces familles d'habitués. Et dans le rôle de Jackie Pic, abonné à l'emplacement 17, Claude Brasseur rentre une fois de plus dans le cœur du grand public. Alors dans la BO du film, on retrouve donc la chanson de Ryan Paris, Dolce Vita, et que je vous propose donc de retrouver tout de suite. Alors, après la chanson de Ryan Paris, Dolce Vita, qu'on retrouve dans Camping, nous allons parler maintenant d'un dernier grand rôle de Claude Brasseur dans L'étudiante et Monsieur Henri, un film de Yvan Calberac avec Guillaume de Tonquédec et Noémie Schmitt. À cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien et va finir par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial. Comme protagoniste principal pour son long métrage, Yvan Calberac voulait un grand acteur français faisant partie du patrimoine cinématographique. Le cinéaste a ainsi choisi Claude Brasseur. Claude Brasseur s'est imposé dans ce contre-emploi, lui qui a souvent joué les séducteurs, copains charmeurs, papa idéal, espion souriant. Je trouvais très excitant de lui confier le rôle d'Henri et de le voir s'amuser à être odieux. L'étudiante et Monsieur Henri avaient pour objectif de traiter des sujets actuels dans la France de 2015, comme la difficulté à se loger. Le film aborde également des sujets universels, comme celui de la filiation. Le compositeur de la BO, Laurent Aknin, retrouve son fidèle réalisateur Yvan Calberac après Irène en 2002, On va s'aimer en 2006 et Une semaine pour deux en 2009. Je vous propose donc de retrouver, sans plus attendre, un extrait de la BO de ce film. Voilà, c'était un extrait de la BO du film L'étudiante et Monsieur Henri, qui était le dernier grand rôle pour Claude Brasseur. Alors, comme Claude Brasseur a eu un très grand succès à travers le film La Boum, qu'il y a eu donc trois numéros de La Boum, eh bien, comme il nous reste quelques minutes, on va retrouver pendant quelques minutes un extrait de la BO donc, de La Boum numéro 3 avec une autre chanson très connue, Your Eyes, toujours signée Vladimir Cosma. Crowded room, it's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a suit on a plot, feeling alone with people around. True love is hard to explain it for summer skies caught my gaze as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's too soon for a new Voilà, c'était un extrait de la BO donc, du film La Boum 3, grand succès pour Claude Brasseur. Voilà, ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO, donc spécial donc Claude Brasseur. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez pris réellement plaisir donc pour découvrir ou réécouter certaines musiques de ces films. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet ou nous faire part de vos BO. Coup de cœur. Bien, Francine, merci de m'avoir accompagné encore ce mardi. Eh bien, Jérôme, c'était un plaisir. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. D'ici là, donc, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.